La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, notre cerveau est-il un allié fiable ? Quel processus nos connaissances et nos jugements sur le monde se construisent-ils ? Comment parvenons-nous à saisir et à organiser en nous-mêmes les informations qui proviennent de l'extérieur de nous-mêmes ? L'objet que je veux connaître, ce n'est pas moi. Il a sa réalité propre et j'ai la mienne. Alors comment puis-je le connaître ? Pour le dire avec les mots de Hegel, Georges Wilhelm Friedrich de son prénom, comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ? Et dans la constitution d'une connaissance ou d'un savoir, quelle est la part qui revient au sujet et quelle est celle qui revient à l'objet qu'il veut connaître ? Telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance. Mais les sciences, par exemple les neurosciences et les sciences dites cognitives, qui sont aujourd'hui en pleine ébullition, ont certainement de leur côté beaucoup de choses à nous apprendre sur ce sujet. Notamment à propos des situations finalement assez fréquentes, vous en conviendrez, où nous nous trompons. Qu'est-ce donc qui, en nous, se trompe lorsque nous nous trompons ? Qu'est-ce qui déraille ? Serait-ce notre cerveau qui, dévoyé par la routine de ses propres mécanismes, nous jouerait des tours ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux humains qui sont experts en cerveau humain. Le premier humain, c'est vous, Mariam Chamat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives et également chef de projet en sciences comportementales appliquées aux politiques publiques. Vous nous expliquez ce que ça veut dire. Et le second humain, c'est Albert Moukébert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives et vous venez de faire paraître un livre qui a directement trait à notre sujet, qui s'intitule « Votre cerveau vous joue des tours ». Alors vous dites « votre cerveau » et pas « notre cerveau ». C'est-à-dire, est-ce que votre cerveau, lui, est échappé à cette... Absolument pas. C'est à ces pièges. Absolument pas. Donc votre cerveau est comme les autres. Tout à fait. Alors, vous êtes tous les deux fondateurs de ce que vous appelez Chiasma, qui est une... C'est quoi? C'est une structure, un collectif. Quelle est sa vocation et que veut dire, en l'occurrence, Chiasma? Alors, Chiasma, c'est un mot qui a plusieurs sens. Il y a le chiasma optique dans le cerveau où le nerf optique croise de l'œil droit, l'hémisphère gauche, de l'œil gauche, l'hémisphère droit. Il y a aussi le chiasma qui est dans la division cellulaire où les chromosomes, les chromatides s'entrechevêtrent et échangent d'informations. C'est un peu une sorte de lieu d'échange d'informations. Et chiasma est une structure qu'on a créée en 2014. C'est un projet de pote où on était intéressé par la flexibilité mentale. Comment est-ce qu'on forme des opinions par l'incertitude, la réduction de l'ambiguïté du réel et comment chacun d'entre nous est capable à partir d'un substrat commun qui est la réalité commune qu'on partage tous, d'arriver à des opinions très très différentes. Mais pourquoi ? Donc ça n'a rien à voir avec le chiasme comme figure de rhétorique, c'est bonnet blanc et blanc bonnet ? Aussi, c'est... Un croisement ? C'est un croisement de tous ces sens. Il y a aussi le chiasme en géographie, un bout de terre entre deux corps de mer. Donc en fait, votre association, si je peux l'appeler comme ça, a pour vocation d'étudier... tous ces biais qui interviennent dans notre jugement, dans nos connaissances par rapport à ce que le monde nous envoie comme signaux. Et dans votre livre, Albert Moukébert, vous parlez beaucoup des illusions d'optique. Oui. Et j'ai entendu des conférences de vous, Mariam Chamat, dans lesquelles vous évoquez également les illusions d'optique. Est-ce qu'on a le droit de dire que beaucoup d'entre elles sont des processus par lesquels notre cerveau essaie de réduire l'ambivalence des messages qui nous sont envoyés, en l'occurrence des images? Souvent, en fait, les illusions d'optique sont effectivement, en tout cas les illusions d'optique sur lesquelles nous on traite, souvent on appelle ça des illusions bistables, ou tristables, ou multistables. C'est des images qui peuvent contenir plus d'une forme. Et la manière dont on réduit cette ambiguïté, tout le monde connaît probablement l'illusion bistable la plus connue, c'est les deux visages et qui forment aussi un vase dans l'espace négatif. Comment est-ce qu'on décide si ce visage... Si cette image est un visage ou si c'est un vase. Effectivement, cette réduction de l'ambiguïté, cette réduction de l'incertitude est quelque chose qui nous intéresse et souvent on utilise des illusions d'optique comme porte d'entrée, on va dire, au sujet plus global de comment est-ce qu'on réduit l'ambiguïté du monde réel en sachant qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté que ce qu'on voit dans notre réel, et donc on est tous en train aussi de voir ces différentes réalités basées souvent sur nos a priori, sur ce qu'on croit déjà. Mariam Chamat. Oui, tout à fait. Donc pour compléter un peu ce qu'Albert vient de dire, en effet, il existe différents types d'illusions d'optique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes illusions vont un petit peu nous aider à découvrir un petit peu le fonctionnement de notre cerveau. Donc certaines, effectivement, sont des illusions bistables et ça montre à quel point notre cerveau doit faire des choix entre deux options. Et donc mais il peut osciller. Une fois qu'il a vu qu'il y avait deux formes possibles, il peut aller de l'une à l'autre. Tout à fait. Quand on n'a pas suffisamment d'informations pour se stabiliser sur une des versions, on peut osciller entre les deux. Donc peut-être certaines connaissent l'illusion de la danseuse qui peut tourner dans différents sens selon qu'on amasse de l'information. Mais il y a aussi d'autres illusions d'optique. Par exemple, pour ceux qui connaissent, ou en tout cas nos écouteurs peuvent chercher cette illusion qui est l'échiquier d'Edelson. Et c'est intéressant parce que cette illusion d'optique en particulier nous montre à quel point notre cerveau est en train de faire des opérations mentales pour prédire l'information qu'on est en train de voir. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression, quand on regarde le monde, que notre perception est une projection point par point de ce qui nous entoure. Mais en vérité, beaucoup de notre perception visuelle, et d'ailleurs auditive et sur les autres sens aussi, sont des constructions mentales qui sont très basées sur les a priori qu'on a. Donc par exemple, on a déjà vu plein de choses dans notre vie qui nous donnent des informations sur les propriétés des objets. Typiquement, par exemple, dans cette illusion en particulier, il y a on présume qu'il y a une ombre et donc on sait que l'ombre en général rend les objets plus foncés. Donc notre cerveau va corriger cet aspect de l'image, la rendre plus claire automatiquement. Donc là où les illusions sont intéressantes, au-delà de leur effet un petit peu spectaculaire, c'est qu'elles nous renseignent sur les propriétés prédictives de notre cerveau, que notre cerveau est en train de prédire la réalité. Et ensuite ça va être une porte d'entrée pour ensuite expliquer d'autres mécanismes, typiquement sur certains biais cognitifs, par exemple les stéréotypes ou ce genre de choses, où on va faire des calculs très rapides pour prédire ce qu'on est en train de voir. Et donc pour nous, les illusions d'optique sont des manières d'illustrer d'autres fonctionnements de notre cerveau qui peut-être parfois justement nous jouent des tours. Mais quand je vous entends parler de ces illusions d'optique qui mettent en scène deux lectures possibles d'une même image, ça me fait penser à, en mécanique quantique, à ce qu'on appelle une mesure. Un système quantique peut être dans un état superposé A plus B, et faire une mesure, c'est réduire cette ambivalence. Soit on obtient A, soit on obtient B. Il y a une réduction du paquet d'ondes, comme on dit. Vous avez parlé tout à l'heure de réduction de l'ambivalence, donc ça ressemble un petit peu. On pourrait dire que le cerveau est l'équivalent d'un appareil de mesure qui réduit l'ambivalence du système qui lui est proposé. Tout à fait. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse sur un trouble anxieux qui s'appelle la phobie sociale, et quelqu'un qui est phobique social, imaginez que maintenant je suis phobique social, on est en train de se regarder, je vais réduire l'ambiguïté de votre regard en me disant, je vois qu'il est en train de se dire que ce que je dis n'est pas intéressant. Si je ne suis pas phobique social, vous êtes en train de me regarder, et je me dis, on est en train d'avoir une discussion. Je vous confirme que c'est intéressant. Merci, ça rassure mon anxiété sociale. Et alors, quel rapport y a-t-il entre les illusions d'optique et puis la magie? Alors la magie, c'est un hobby que j'aime beaucoup, parce que souvent, quand on parle de magie, les spectateurs pensent qu'on est en train de tromper l'œil, les yeux. Mais en fait, souvent, quand on fait de la magie, on est en train de tromper le cerveau. On est en train de tromper ces mécanismes prédictifs du cerveau et cette manière de réduire l'ambiguïté. C'est qu'on a des lois, des a priori, comme disait Mariam, sur comment fonctionne le monde. Par exemple, la permanence des objets. Que si je mets un objet quelque part, il est supposé rester là où je l'ai mis. Et en magie, on va prendre à contre-pied ces prédictions du cerveau, où un magicien va mettre quelque chose dans un endroit, mon cerveau se dit il est encore là, et puis par exemple, il n'y est plus. On va faire disparaître quelque chose et ça fait cet effet. C'est le tour de la pièce de monnaie que vous évoquez dans votre livre. Alors, où est la tromperie du cerveau dans cette affaire? C'est que je vais faire un geste, donc c'est un geste ambigu. Un des plus grands magiciens s'appelle Teller, il a un article, il explique très bien dans un article de Nature. Je vais prendre une pièce, je vais la mettre dans ma main, sauf que je ne vois pas la pièce en train d'aller dans la main. Mon cerveau remplit le flou du geste. Et le magicien va utiliser des gestes ambigus qui signifient au spectateur une action, alors qu'il est en train de faire une autre action, qui est superposée sur l'action que le spectateur voit. Donc le cerveau du spectateur va se dire, la pièce est maintenant dans cette main-là, alors que le magicien l'a repris dans la première, et il ouvre sa main et la pièce a disparu. Et effectivement, donc, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a des tours qu'on peut faire des fois. Il y a un tour de magie très très connu qui s'appelle les boules et les gobelets, où on va faire apparaître et disparaître des boules sous des gobelets. Et un magicien, et j'invite les auditeurs à aller sur YouTube regarder la vidéo, le fait avec des gobelets transparents. parce que ce qu'on est en train de tromper, c'est pas l'œil, c'est le cerveau. Et ça marche tout aussi bien avec des gobelets transparents. Donc on peut tout voir, on peut voir où est-ce que quand la boule a été prise, quand elle a été remise sous le verre, etc. Mais ça marche de la même manière. Parce qu'encore une fois, c'est, on est en train d'essayer de berner la réduction de l'ambiguïté, de gestes qui paraissent anodins, mais qui sont superposés par un geste différent. C'est-à-dire que le cerveau a produit, à force de voir les mêmes choses, des interprétations qui, en l'occurrence, le trompent. Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pourrais tout à fait compléter ça par une anecdote. On va voir si ça marche sur vous. L'exemple qu'a donné Albert vraiment montre à quel point on est en train de faire du storytelling, à quel point notre cerveau est en train de raconter une histoire. Et il y a beaucoup de recherches sur ce sujet qui montrent que, en quelque sorte, on ne peut pas s'empêcher de raconter une histoire, de compléter une histoire de manière assez automatique. Et donc là, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune étudiante française qui s'appelle Laura, qui déménage à New York pour faire ses études. Et par un jour de canicule, elle décide de prendre le métro pour aller à la bibliothèque pour travailler. Et une fois dans le métro, elle sent une claustrophobie, tout est collant autour d'elle, donc elle décide de rapidement sortir du métro pour aller acheter une bouteille d'eau. Et donc là, elle ouvre son sac à main et elle découvre qu'il n'y a pas de porte-monnaie dans son sac à main. Et donc moi, je vais arrêter l'histoire ici, mais ce que je présume, c'est que la plupart des personnes qui écoutent cette histoire ont probablement déjà complété l'histoire en présupposant qu'elle s'est fait voler son porte-monnaie dans le métro. Mais non, elle a oublié de le mettre. Voilà, il y a deux types de personnes. Ceux qui automatiquement présument, on va dire, qu'elle l'a oublié, elle s'est fait pickpocketer, et puis après une petite minorité qui va se dire elle l'a oublié de le prendre avec elle. Mais l'idée, c'est que peu importe l'interprétation, ce qui est intéressant, c'est que mon histoire s'est arrêtée là, mais vous avez complété l'histoire directement en présumant ce qui s'est passé. En posant une question. Oui, ou alors en posant une question. Mais en tout cas, ça montre à quel point, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, et il y a des chercheurs, par exemple le professeur Lionel Nakache ou d'autres chercheurs en France ou dans d'autres pays qui travaillent sur cette capacité du cerveau à se raconter des histoires, à créer un narratif, une sorte de cohérence. Et une grande partie de mes travaux de post-doctorat ont porté sur cette capacité à rationaliser, à se raconter une fois qu'on a pris une décision, une fois qu'on a commis une action spécifique, venir justifier les raisons pour lesquelles... Mais est-ce que ça veut dire que le cerveau comble les vides? Je pense que oui. Je pense que je pourrais dire. Il y a des étapes manquantes et le cerveau projette une interprétation qui vient. Alors, je pourrais dire que oui, honnêtement, basé sur mes recherches, par exemple, moi, un des premiers objets de mes recherches, c'était comment est-ce que le cerveau fait pour compléter l'information manquante. Donc, si par exemple on couvre un de vos yeux et donc l'autre œil est ouvert, ce que certains peut-être ne savent pas, c'est que il y a tout le temps un trou qui est l'endroit où tombe vraiment l'image sur notre nerf optique, où il n'y a aucun récepteur pour vraiment capter l'image. Et donc, en général, comme on a deux yeux, l'autre œil compense pour ce trou, entre guillemets, ou pour ce manque d'information. Mais quand on ferme un œil, il y a tout le temps un endroit où il n'y a aucune information. Mais notre cerveau complète cette information. Et une grande partie de mes recherches au tout début de ma carrière en neurosciences cognitives, en tout cas, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau faisait pour compléter ce trou, combler ce trou. Et donc, ce qu'on a découvert à l'époque, c'est que le cerveau va faire une sorte d'approximation en prenant les informations qui tombent sur le contour de ce trou et en se disant ce qui est le plus probable dans cette information manquante, c'est cette image-là. Donc, par exemple, si je vous mets des barres autour de ce trou, vous allez présumer des barres. Si je vous mets des étoiles, vous allez présumer des étoiles. Et ensuite, j'ai continué ce travail de remplissage de trous, si vous voulez, en passant de choses qui étaient vraiment purement visuelles à plus comment est-ce qu'on explique des décisions qu'on a prises, mais pour lesquelles on n'a pas forcément l'information de pourquoi on a fait ce choix ou pas. Et donc, effectivement, tout au long de mon parcours et de mes recherches, mais aussi étayé par les travaux d'autres chercheurs, l'idée centrale était de dire... On a des informations qui nous manquent souvent parce que le monde est fait ainsi. Et donc, notre cerveau a cette propension à remplir et combler les trous de manière à nous créer une sorte de perception cohérente du monde pour mieux fonctionner. Et Albert Moukébert, vous voulez réagir? En plus, ça renvoie à un extrait de Descartes que vous citez dans votre livre, cette histoire de cerveau qui interprète en bouchant les trous. Oui, et c'est pas seulement sur un point de vue sensoriel, on fait ça aussi dans tout pour des raisons aussi qui sont des limitations, on pense biologiques, c'est qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour garder en tête tout ce qu'on voit. Par exemple, un auditeur qui écoute l'émission ne va pas se souvenir de tout ce qu'on s'est dit, se souvenir de petites bribes. Si moi, par exemple, j'ai pris le métro pour venir ici, quand j'étais dans le métro, j'ai pas les capacités de me rappeler de tout ce qu'il y avait, les gens, ce qu'ils portaient, leur visage, etc. Mais quand je ferme les yeux et j'imagine mon trajet dans le métro n'est pas vide. Et les personnes ne sont pas à poil, et les personnes ne sont pas sans visage. On va remplir, pour conserver la cohérence, avec ce que je pense être des avatars lambda de Parisiens qui prennent le métro. C'est-à-dire le manque de capacité attentionnelle et de perceptive, de pouvoir garder et stocker toutes les informations auxquelles on est exposé, fait qu'on a besoin d'avoir des mécanismes, ou en tout cas on a développé des mécanismes, il n'y a pas vraiment d'intentionnalité, développer des mécanismes qui nous permettent de effectivement conserver cette cohérence, parce que c'est un peu comme le jeu Où est Charlie ? Où est Charlie, c'est possible, parce que on a pas une... Si on a grandi Où est Charlie, c'est comme si je mets sur cette table beaucoup beaucoup de pommes et une banane, et on dit trouver la banane. Le jeu est complètement insignifiant. Mais quand on met des stimuli un peu plus petits, un peu plus complexes, là, on peut passer 5-6 minutes à charger un stimuli différent des autres dans une page. Et du coup, c'est limitation biologique. Et pendant longtemps, on a cru que l'esprit était sans limite. Et avec les neurosciences, on a découvert les limitations biologiques, physiologiques presque du cerveau, et quels sont les mécanismes que notre cerveau utilise pour invisibiliser ces limitations. Et c'est vraiment, on fait ça tout le temps quand on est exposé à un article de journal. Je sais pas, je lis un article sur le coronavirus. Chaque article sur le coronavirus ne reprend pas le fonctionnement du système immunitaire humain, des différents virus, si c'est un ARN ou si c'est une autre forme de virus, etc. Chaque lecteur va compléter, basé sur ce qu'il sait, sur ce sujet, basé sur les informations. Et donc un immunologue ne va pas lire le même article de la même manière qu'une personne qui le lit dans un café ou qu'un géographe ou un géomètre ou je ne sais quel travail. Et donc on est tous tout le temps en train de faire ces remplissages basés souvent sur nos a priori. Et on ne le remarque pas souvent. Alors c'est un peu ce que dit Descartes dans l'extrait que vous citez, hein, un extrait des Méditations métaphysiques. Que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort. Mais je juge que ce sont de vrais hommes par la seule puissance de juger qui est en mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. On voit les chapeaux et on imagine que sous ce chapeau, il y a des humains, alors que peut-être il y a, je sais pas, des extraterrestres, des chiens, des chats, des géraniums. Mais les chansons basées sur nos a priori, que non. Mais est-ce que c'est le même mécanisme qui fait que quand on voit une séquence d'événements, on a tendance à l'interpréter comme une conséquence? Comme s'il y avait une sorte de relation causale. Alors le est-ce que c'est le même remplissage? Le storytelling, c'est que pour pallier ses ressources, etc., on a tendance à faire des causes à effet. Et quand on travaille pour des ateliers, par exemple, de raisonnement critique avec les enfants, une expérience qui est très intuitive que les enfants aiment beaucoup, c'est le coq chante, le soleil se lève. Est-ce que c'est le coq qui pousse le soleil à se lever? Et effectivement, il y a un site d'un chercheur qui s'appelle Tyler Vigen en ligne, où il montre des corrélations un peu comme ça, absurdes. Par exemple, il montre que le nombre de films que fait Nicolas Cage corrèle avec le nombre de noyades chaque année. Et que si on ne se demande pas comment est-ce que ça marche ? On peut se dire il suffit juste que Nicolas Cage fasse moins de films pour qu'il y ait moins de personnes qui meurent noyées dans des piscines. Ou que les gens se noient plus pour qu'ils fassent plus de films. Exactement, par exemple. Les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que, et pour moi c'est ça un peu le propre de la démarche scientifique. Si on parle plus de la méthode scientifique c'est essayer de comprendre comment ça marche. C'est ça l'importance des quatre théoriques. Et en science, les quatre théoriques sont explicites. Donc en physique, par exemple, on peut faire E égale mc carré, c'est un quatre théorique. Dans la vie quotidienne, chacun de nous crée des cas théoriques qui sont implicites. On les écrit pas en formule, mais j'ai des cas théoriques sur comment fonctionne mon meilleur ami, sur comment fonctionne la société, sur comment fonctionne la politique, etc. Et je vais traiter l'information du réel basée sur ce cas théorique spécifique à moi, qui est implicite et qui n'est pas inscrit de manière claire pour chacun d'entre nous. Mariam Chamat. Oui, pour revenir à le sujet de cause à effet, ou en tout cas notre perception de la causalité, c'est assez intéressant les recherches sur ce sujet, surtout en psychologie évolutionniste. Donc l'idée un petit peu des travaux qui sont menés par les chercheurs dans ce domaine, c'est de dire que notre cerveau, en quelque sorte, a été sculpté par de longues années d'évolution. Donc en tant qu'Homo sapiens, en tout cas pendant 300 000 ans, et dans notre histoire un peu plus récente, on aurait développé des sortes de raccourcis mentaux, d'heuristiques, ou en tout cas des manières d'interpréter le monde qui auraient été très utiles pour le milieu dans lequel on a évolué. Simple survie, en fait. Pour la simple survie, tout à fait. Et donc, pendant très très longtemps, on a vécu dans un environnement qui était extrêmement dangereux, enfin en tout cas dans lequel notre objectif était vraiment de fuir les prédateurs, de se reproduire peut-être, de se nourrir, etc. Et donc l'idée c'est que dans cet environnement très complexe dans lequel on doit faire des choix extrêmement rapides et utiles pour notre survie, il y a certaines probabilités ou en tout cas inférences qui seraient beaucoup plus utiles que d'autres. Donc typiquement, c'est peut-être plus utile pour nous quand on voit une action de s'imaginer qu'il y a un agent derrière cette action, parce que derrière ça voudrait dire que s'il y a quelque chose, par exemple, si je vois du sang par terre, me dire rapidement, automatiquement, que c'est probablement un prédateur qui est passé par là et qui a attaqué une proie, ça va beaucoup plus aider ma survie que de ne pas avoir d'explication évidente, claire à ce que j'observe et de me dire « Ah d'accord, c'est du sang, bon, ça peut être plein de choses différentes ». Et donc l'idée ici, c'est qu'il y a certaines hypothèses qui sont beaucoup plus probables, qui viennent beaucoup plus automatiquement parce qu'elles sont beaucoup plus utiles pour notre survie. Et donc l'agentivité, par exemple, le fait de penser que quelque chose a été causé par un agent, que quand il y a quelque chose qui se produit devant nous, il y a une relation de cause à effet, c'est quelque chose qui peut être très utile à notre survie. Et donc, il y a pas mal de travaux sur ces sujets-là qui montrent qu'on a cette tendance plus grande à voir de la causalité là où, parfois, il n'y a pas forcément de causalité. Simplement une corrélation ou une coïncidence. Tout à fait. Oui. Une coïncidence. Des fois, il n'y a aucun, genre, vraiment aucun lien, mais on les lit. Mais le raisonnement critique, c'est en grande partie questionner comment est-ce que ça marche. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plus des grenouilles. Un exemple qui a subsisté et qui subsiste encore, c'est la saignée. La saignée, c'est quoi? Ça part d'un exemple très, très banal. C'est que si j'ai une maladie dans mon corps, le mieux, c'est de la sortir. Donc je coupe et je fais tomber mon sang. Ça saigne. Et ça saigne. Du coup, si moi, j'ai par exemple un rhume et je vais chez le toubib en 1642, il me saigne, au bout d'une semaine, je vais mieux. Parce que mon système immunitaire, il a combattu la grippe. Mais le toubib, il va se dire, j'ai fait la saignée, il va mieux. Donc c'est la saignée qui fait qu'il va mieux. Sauf que si, deux semaines plus tard, j'ai de la malchance, j'ai de la tuberculose, je vais voir le toubib, il me saigne. Au bout d'une semaine, je vais pas mieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il pense qui marche. Il va faire une deuxième saignée, puis une troisième saignée, puis une quatrième saignée. Et si je meurs, il va pas se dire, la saignée, ça marche pas. Il va se dire, la maladie était trop forte, on peut pas sauver tout le monde. Et on a fait ça pendant des millénaires. La saignée, c'est vraiment un truc qui veut pas mourir, quoi. Il y a encore jusqu'à maintenant des endroits où ils soignent par la saignée parce que c'est une explication tellement intuitive. J'ai quelque chose dans mon corps qui me fait du mal, je vais le sortir. C'est l'idée de la purge, finalement. Oui, c'est exactement le même rationnel que la purge. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire confiance, ou en tout cas trop confiance, aux témoignages oculaires? Ça, c'est... Albert Moukébert, vous donnez l'exemple dans votre livre qui est assez terrifiant parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Ont été condamnés à mort à cause de faux témoignages oculaires, de gens sincères mais qui se trompaient. Oui, alors ça c'est vraiment Elisabeth Loftus, qui est une des plus grandes chercheuses sur la mémoire, qui a montré ça. Et depuis, il y a eu plusieurs changements dans le système judiciaire américain. Aux États-Unis, tout le monde a déjà vu ça dans les séries, ils faisaient des line-up. Le fait de prendre des suspects, de les mettre derrière un mur et après ils ramènent la victime et la victime doit choisir quelle personne est son agresseur. Et effectivement, ce qu'ils ont découvert, c'est que si le coupable n'est pas dans ce line-up, les victimes, tout à fait de bonne foi, vont désigner une personne quand même. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a des ressources limitées. Si moi je suis en train de me faire agresser, je suis en train d'essayer de fuir. Je suis pas en train d'essayer de regarder est-ce que mon agresseur a les yeux bleus ou est-ce qu'il porte un jean marron ou bleu. Donc je vais essayer de fuir. Et après, quand la police va venir et me dire, on pense qu'on a trouvé ton agresseur, je vais me dire que la police a bien fait son travail, qu'il est sûrement quelque part. Mon cerveau va remplir les trous et me dire que c'est cette personne. Et donc, suite à ces témoignages oculaires, il y a eu une association qui a été créée, qui s'appelle le Innocence Project, le projet Innocence, qui allait réétudier tous les dossiers de justice américaine de personnes qui ont été envoyées en prison à partir d'un témoignage oculaire unique. Parce que, encore une fois, le poids de la preuve change s'il y a plusieurs témoignages oculaires concordants de personnes indépendantes. C'est évidemment plus fiable qu'une personne seule. Et ils ont découvert que 74% des personnes qui ont été jugées coupables à partir d'un témoignage oculaire unique ne l'étaient pas. C'était innocente. 74%, ce qui est énorme. Et le projet Innocence continue. Et il continue à étudier des dossiers jusqu'à aujourd'hui pour essayer de réévaluer à partir de preuves plus matérielles. Et depuis, il y a plusieurs états où on n'a plus le droit d'envoyer quelqu'un en taule basé juste sur un témoignage oculaire unique, sauf si la victime connaissait l'agresseur avant. Donc si c'est mon oncle qui m'agresse, effectivement, je suis assez fiable. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous donnez un autre exemple qui là, relève d'une expérience scientifique à propos d'un panel de 150 étudiants auquel on a montré une vidéo d'un accident de la route. Oui. Donc, et les conclusions sont assez terribles. Donc c'est la même chercheuse, Elisabeth Loftus. Donc elle va montrer une vidéo d'un accident de voiture. Après, elle va poser une question sur cette vidéo. Une semaine après. Une semaine après, sur est-ce que le pare-brise des voitures s'est brisé quand les voitures se sont heurtées. Elle utilise des mots en anglais qui ont une sorte de valence. Il y a hit et bump. Bump et crash, je pense. Et donc, bump, c'est un peu se sont heurtées et crash, se sont écrasés. Et ce qu'elle montre, c'est que quand elle utilise le mot bump, donc le mot qui a faible valence d'accident, les gens se rappellent. Ils s'entendent que c'était une collision. Que c'était une collision légère, un peu. Les gens se rappellent que le pare-brise ne s'est pas brisé. Et quand elle utilise le mot crash, les gens se rappellent que le pare-brise s'est brisé. Donc, et ce qu'elle a montré Loftus, c'est que avec le présent, on peut réécrire le passé. Et je trouve ça quelque chose de. Alors, les mots que vous utilisez dans votre livre, c'est smash, oui, et hit. Ah, smash et hit. Voilà, pas crash. Je me suis trompé. C'est ma mémoire. C'est un petit biais cognitif, pas très grave. Non, c'est parce que ma mémoire, elle n'est pas complète, et du coup, j'ai mal bouché le trou. Mariam Chamat. Oui, je voulais ajouter à ce que vient de dire Albert que les relations, justement, l'encodage ou en tout cas la manière dont on mémorise les événements est un sujet vraiment extrêmement intéressant et il y a des recherches qui montrent que les émotions peuvent vraiment impacter la manière dont on mémorise. Donc par exemple, si je vous demande ce que vous avez déjeuné il y a 3 jours, ça va être beaucoup plus dur pour vous de vous en souvenir que si je vous demande de vous souvenir du moment ou en tout cas où vous étiez quand vous avez appris les informations sur le 11 septembre, alors que c'est un événement très très lointain. Mais vous vous souvenez probablement de l'endroit où vous étiez, comment vous avez reçu l'information. Et c'est pas seulement pour les informations à valence négative, ça peut être par exemple la Coupe du Monde de 98, etc. Et donc il y a les événements qui sont riches en émotions, que ce soit une émotion positive ou négative, sont encodés différemment dans notre cerveau que les informations qui sont un petit peu routinières, etc. Et donc ce sujet est extrêmement important parce que ça peut avoir un impact assez fort sur la manière dont on mène notre vie de tous les jours et aussi ça peut avoir un impact sur parfois les faux souvenirs. Donc par exemple, il y a des études qui montrent qu'à chaque fois qu'on se remémore un événement, chaque fois qu'on retourne dans sa mémoire pour se ressouvenir d'un événement, on a tendance à ajouter des éléments à ce souvenir qui sont peut-être pas tout à fait fidèles à la réalité. Et d'ailleurs, Albert peut peut-être vous raconter des cas qu'il a eu de patients qui avaient des faux souvenirs justement parce que c'était des événements qui étaient traumatisants ou en tout cas qui avaient une forte valence émotionnelle. Albert, vous êtes obligé de donner un exemple. Je suis obligé. En fait, dans le travail du clinicien, en tant que clinicien, l'outil principal de travail, c'est la mémoire. C'est ce que le patient vient et ramène avec lui dans le cabinet. Et si le patient se rappelle plus des événements à forte valence émotionnelle, c'est au clinicien aussi de savoir quelles sont les informations qui sont pertinentes et que le patient ne nous ramène pas. Et effectivement, il y a beaucoup de cas de reconstruction. Et là aussi, c'est très important. Tout le monde est de bonne foi, en général, où au fur et à mesure d'une thérapie, on peut être en train de co-créer des souvenirs qui deviennent quelque part faux, c'est-à-dire des souvenirs recréés, réinventés, à travers le travail thérapeutique, pour changer la valence de quelque chose dans le passé. C'est vraiment cette notion, une grande partie de la thérapie, c'est cette notion de réécrire le passé basé sur le présent. Et on fait ça tout le temps. Je sais pas, je suis en couple et je suis très content et je rentre à la maison et je découvre que je me fais tromper, par exemple. Mon cerveau va commencer à réécrire cette relation pour la rendre moins idyllique, moins utopique, pour que je puisse faire mon deuil, pour que je puisse dépasser. Ou alors c'est le contraire. Vous allez imaginer que c'est comme le propose Clément Rosset dans l'ensemble de son œuvre. Vous allez créer une réalité alternative qui nie le fait que vous avez découvert. Par exemple, ou bien je vais au contraire créer un trauma et me dire que cette personne c'est la personne parfaite et je l'ai perdue et je vais plus jamais la voir et que je vais plus jamais pouvoir être en couple et rentrer en dépression. Et c'est ça qui est intéressant. Quelle est la bonne solution ? C'est ça qui est intéressant et je pense vraiment que dans le travail thérapeutique et j'essaye de d'enseigner ça à mes étudiants à la fac et tout ça, de faire très attention comment on manie la mémoire, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus malléable que ce qu'on croit. Elisabeth Loftus, un de ses étudiants, a fait un protocole expérimental qui s'appelle Lost in the Mall, perdu dans un centre commercial, où il arrive à implanter des faux souvenirs sur l'enfance des participants en un temps assez court, où les gens vont se remémorer que quand ils étaient petits, ils avaient perdu dans un centre commercial et retrouvé un peu de temps plus tard par leurs parents, alors que c'est pas du tout vrai. Donc ça, c'est la porte ouverte à la manipulation mentale. Absolument, et il y a une personne qui a été jugée pour ça, et je la cite dans mon livre, livre, je pense qu'il s'appelait Catherine Fanekam ou un truc comme ça, qui c'était à Paris, et qui avait recréé des Marie-Catherine. Marie-Catherine Fanekam. Je comble les trous. Ben merci, c'est plus simple quand on a le livre. Et qui a été poursuivie en justice et tout, où elle avait été en train d'implanter, mais dans ce cas-là, de mauvaise foi, d'implanter des faux souvenirs chez les personnes, en créant des traumatismes dans l'enfance, des choses comme ça, des parents qui font des témoignages, qui ne parlent plus avec leur fille, depuis qu'elle a commencé ce travail avec cette personne, etc. Et tout à fait, c'est une porte ouverte. On pense que nos souvenirs sont figés. Une fois que j'ai vécu quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Alors que toutes les recherches sur la mémoire montrent que notre mémoire, c'est quelque chose de très dynamique, de très malléable, et qu'on est tout le temps en train de revenir en arrière et de réécrire le passé basé sur qui je suis dans le présent. Qu'est-ce que vous appelez la cécité du choix? Vous en parlez assez longuement, Albert Moukeyer, dans votre livre qui s'appelle « Votre cerveau nous joue des tours ». Vous jouez des tours. Nous jouons tous. La cécité au choix, c'est encore une fois cette capacité qu'on a des fois à ne pas être au courant. En gros, pour faire de manière caricaturale, c'est comme si vous allez dans un resto, vous commandez une pizza, on vous ramène un burger et vous vous rendez compte de rien. En gros, on a montré que des fois on peut prendre des choix, on nous donne un autre choix qu'on n'a pas fait, on nous demande de le justifier et on le justifie. On est aveugle. Après coup, on est aveugle au fait que le choix qu'on a fait, c'est pas celui qu'on nous a dit de donner. En gros, on va nous montrer deux visages. On me demandait lequel on préfère, donc disons qu'il y a le visage A et le visage B, je choisis le visage A, on me donne le visage B, on me dit pourquoi est-ce que tu as choisi le visage B, et je justifie, alors que mon choix c'était le visage A. Et encore une fois, c'est ces ressources attentionnelles assez limitées qu'on est en train de pallier, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas tomber dans la fausse équivalence de croire que du coup nos choix ne sont pas du tout importants, le protocole est fait d'une certaine manière à tromper. Donc c'est juste pour montrer que dans certaines circonstances, on peut prendre des choix, et justifier des non-choix. Mais est-ce qu'on a le droit de dire ou d'en déduire que la raison ne peut pas s'empêcher de se faire une raison ? Après coup ? On peut dire qu'on fait beaucoup de justifications après coup, grâce à notre raison. Parce qu'on n'a pas accès aux différentes motivations qui gèrent nos comportements et nos cognitions. Beaucoup de fois, la raison pour laquelle on fait quelque chose est hyper complexe. Elle peut dépendre de mon niveau de fatigue, de est-ce qu'il fait froid, de est-ce que j'ai faim, etc., etc. Mais quand on nous demande pourquoi tu as fait ça, j'ai pas les ressources pour prendre en compte toutes ces informations. Et je vais proposer l'information la plus cohérente ou simple ou disponible que j'ai. Par exemple, sur les travaux de justice, ils ont montré que les jurés délibèrent différemment à l'approche de l'heure du déjeuner, en gros, selon le taux de glucose aussi dans le sang. Mais on ne va jamais demander à un juré pourquoi est-ce que tu as fait ce choix. Et il va dire, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de glucose dans mon sang. Un de mes mots préférés en anglais s'appelle hungry. C'est un porte-manteau entre hungry et angry. C'est quand on est en colère parce qu'on a faim. Mais effectivement, des fois, on est en colère, on s'énerve contre quelqu'un. Et c'est rare qu'on se dise, en fait, je suis désolé, je me suis énervé parce que j'avais faim. On va le blâmer, on va post-rationaliser et dire « je t'avais expliqué ce truc, tu l'as pas fait, c'est incroyable, à chaque fois c'est la même chose », alors qu'il suffit juste d'aller manger ou bien de dormir. La fatigue par exemple, une des premières recherches que j'ai faites dans mes études en licence, c'était l'effet de la déprivation du sommeil sur certaines tâches cognitives. Et effectivement, des fois on va se prendre la tête avec quelqu'un au travail, etc. Et c'est juste parce qu'on a mal dormi, mais on n'y pense pas. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui impactent ce qu'on fait et qu'on n'a pas conscience de ces multitudes de facteurs. Et la recherche en psychologie sociale, par exemple, foisonne de ce genre d'articles qui remettent en cause les motivations d'une action versus les justifications qu'une personne utilise pour justifier son action. Là, je vais justifier la motivation du fait que je vous demande de vous taire. C'est que, voilà, on parle depuis plus d'une demi-heure, c'est le moment de passer un morceau de musique que vous avez choisi. Comme vous êtes deux, ce morceau s'appelle Duo. Et il est de Philippe Catherine. Le tempo, 140 BPM, beats per minute. On tape ce chiffre dans une boîte à rythme et il sort un grid. C'est à nous de décider quoi enlever pour trouver le pattern. Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On chante la même mélodie. On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies. Je chante à cette octave, et moi à cette octave. Je chante les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots. Avec moi. Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas le soleil rougeoir. Je joue du synthé pour toi. Je joue de la guitare pour toi. Je joue du piano pour toi. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Duo de Philippe Catherine, c'est vous qui l'avez choisi, Albert Moukébert. Vous dansiez vous sur votre chaise, j'en déduis que c'est même pas la peine de vous demander pourquoi vous avez choisi cette chanson qui nous explique qu'un pattern ne doit pas être terne. Je peux post-rationaliser la raison pourquoi j'ai choisi. C'est cité du choix. Je sais pas, j'aime beaucoup Philippe Catherine, je trouve que son dernier album est vraiment bien et j'aime beaucoup comment il arrive à aborder des sujets qui sont assez sérieux des fois avec une musique sur laquelle on peut danser sur la chaise. Et j'ai choisi cette chanson, mais je recommande vraiment tout l'album parce que aussi c'est pour post-rationaliser, c'est en lien avec ce qu'on dit, c'est que on a le même tempo mais pas le même pattern, on utilise le même langage, on est dans le même monde, mais chacun de nous peut l'interpréter un peu à sa sauce. Et puis Chili Gonzalez et Angèle. Mariam Chamat, si je vous demande, si je vous pose la question suivante, un timbre et son enveloppe coûtent 1,10€ ensemble. Et si je vous dis que le timbre coûte 1€ de plus que l'enveloppe, combien coûte l'enveloppe ? Alors, je vous dirais que c'est l'inverse, que c'est l'enveloppe qui coûte 1€ de plus que le timbre, potentiellement. Mais en tout cas, la réponse automatique... Vous êtes sûr, les timbres coûtent plus cher que les enveloppes ? Voilà. Et donc le piège dans lequel je suis tombée, c'est une heuristique. Non, c'est une très très belle enveloppe. Plus sérieusement, la réponse automatique à cette devinette. Donc, en général, les gens à qui on soumet cette devinette, et ça, il peut y avoir des variantes. Par exemple, une batte de baseball et une balle de baseball coûtent au total 1,10€. La batte coûte 1€ de plus que la balle. Et il y a plusieurs variantes comme ça. Et la plupart des personnes à qui on soumet ce genre de questions vont automatiquement répondre 10 centimes. Donc 1€ pour le timbre et 10 centimes pour l'enveloppe. Exactement. Sauf que si on fait ça, l'écart entre les deux, c'est 90 centimes. Alors qu'on a dit que l'écart était 1€. Exactement. Donc la bonne réponse, c'est 5 centimes pour l'enveloppe et 1,05€ pour le timbre. Exactement. Et en fait, au total, on aura 1,05€ plus 5 égale 1,10€. Et dans ce cas-là, le timbre serait 1€ de plus que l'enveloppe. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un raccourci mental très rapide. Qui fait que pour ne pas rentrer dans cette opération qui est assez complexe, il faut s'asseoir, poser l'opération, etc. On a cette tendance à très rapidement faire une déduction, d'utiliser une heuristique pour rapidement avoir une réponse approximative qui fonctionne bien en général, mais là, en l'occurrence, nous trompe. Et c'est intéressant parce que ça montre que, enfin, cet exemple avec plein d'autres exemples qui démontrent à quel point on va très rapidement pour répondre à des questions ou pour arriver à des conclusions hâtives, montre des mécanismes approximatif que notre cerveau met en place, donc appelé des heuristiques. Est-ce que c'est pas parce que la mauvaise réponse est dans la question? Alors, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. On a dit 1 euro dans la question. Donc. Oui, c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que je vais revenir là-dessus. Mais donc il y a pas mal de chercheurs qui utilise cet exemple pour dire, voilà, regardez à quel point notre cerveau va vite, nos heuristiques très rapides vont nous faire arriver à une conclusion, et des fois on se trompe, et c'est à ce moment-là qu'on parle de biais cognitifs. Donc certains chercheurs vont interpréter cette erreur de cette manière, et il y a d'autres chercheurs qui sont un peu contre cette hypothèse et qui disent qu'au contraire, la manière dont la question est posée est faite pour un petit peu berner la personne, et donc on guide la personne à dire 10 centimes. Et donc là, vous mettez le doigt sur une question de recherche qui est, est-ce que les biais cognitifs existent réellement ou est-ce que ce sont des artefacts qu'on voit en situation de laboratoire? Et ça oppose deux grands chercheurs de ce domaine, donc le Daniel Kahneman, qui a gagné le prix Nobel pour ses travaux en économie, qui est à la base, qui est psychologue, donc qui a gagné un prix Nobel en 2002, et un camp un petit peu opposé, qui est celui de Gerd Gigerenzer, qui, en grande partie, considère que les biais cognitifs, ou en tout cas à chaque fois qu'on voit qu'il y a des erreurs dans nos raisonnements ou dans nos comportements, dans la plupart des cas, ce sont des artefacts. Et que si on posait la question de manière écologique, c'est-à-dire d'une manière qui est plus proche de la manière dont notre cerveau fonctionne, on ne verrait pas ces biais cognitifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas des expériences qu'on peut imaginer qui permettraient de trancher la question, de savoir laquelle de ces deux écoles a raison? Si, et c'est exactement en ce moment, en tout cas, il y a des courants qui s'intéressent à précisément ce type de questionnement. Donc là, je suis en contact, par exemple, avec une équipe de recherche qui va exactement adresser ces questions, c'est-à-dire créer des situations dans lesquelles on va essayer de sortir ces biais, ou la manière d'étudier ces biais des laboratoires, les faire dans des situations réelles et voir si ça persiste vraiment dans des situations d'incertitude réelle et écologique. Mais en tout cas, c'est un débat qui court depuis une trentaine d'années. Est-ce que les biais existent vraiment ou pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nos capacités cognitives de traitement de l'information sont limitées et peuvent nous berner, mais lesquelles persistent quand elles sortent du laboratoire? C'est ça la question. Alors j'ai une autre question à vous poser, Mariam Chamat, et d'ailleurs c'est une question que je pourrais aussi poser à Albert, c'est le vélo. Tous ceux qui font du vélo savent à peu près comment marche un vélo, mais quand on demande à ceux qui font du vélo de dessiner un vélo, on trouve des figures assez étonnantes où les pédales se retrouvent sur la roue arrière ou sur le guidon. Alors comment est-ce qu'on explique une telle déformation entre la réalité courante que connaissent tous ceux qui font du vélo avec leur capacité faible finalement à le dessiner par la suite? C'était donc l'exemple que vous donnez vient d'une expérience qui a été faite dans différents contextes. Ça a été fait par exemple à Harvard avec des étudiants d'une classe, avec des CEOs de grandes boîtes, avec même soit des personnes qui savaient faire du vélo, soit des personnes qui ne savaient pas forcément faire de vélo ou qui ne connaissaient pas forcément le vélo. Et souvent quand on demande aux gens « est-ce que vous savez dessiner un vélo ?», la plupart des gens vont dire oui. Et dès qu'on leur donne un crayon, un papier, on se rend compte que en fait notre connaissance est un petit peu limitée. Bah d'après ce que j'ai vu, il y en a aucun qui peut marcher. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un sculpteur qui s'est amusé à sculpter ces vélos qui étaient non fonctionnels dans la vraie vie. Et donc ces œuvres sont assez jolies. Mais cet exemple du vélo et plein d'autres exemples. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous savez comment fonctionne une fermeture éclair ou par exemple comment fonctionne une chasse d'eau, on a l'impression de savoir. Mais dès qu'on nous demande d'expliquer exactement la mécanique d'une fermeture éclair ou d'une chasse d'eau, on se rend compte que notre connaissance est un petit peu limitée. Et donc ça a développé tout un champ de recherche sur l'illusion de connaissance, ou en tout cas à quel point on pense immédiatement savoir quelque chose, donc à quel point justement on bouche le trou en se disant « oui, je sais », mais peut-être que si on me demande d'expliciter ma pensée, je ne sais pas. Et ça a mené à des hypothèses sur le fait que il est possible que pour certaines choses qui sont très complexes ou pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails, on se repose un petit peu sur les connaissances collectives. C'est-à-dire que si de manière générale tout le monde sait un petit peu et que de manière générale ça marche, on n'a pas forcément besoin d'aller connaître tout le détail de chaque information. Et ça nous permet un petit peu de libérer aussi des ressources mentales pour des choses qui sont plus importantes pour notre survie. Mais ce que vous appelez cette illusion de connaissance, et vous le dites d'ailleurs vous-même, c'est un enjeu pour la démocratie? Tout à fait. Ça veut dire que le socle commun disparaît, chacun a son interprétation, a ses connaissances propres, elles sont jamais comparées les unes aux autres, ce qui crée des malentendus, j'imagine, et puis empêche les véritables connaissances de se propager sans trop de déformation dans la société. Tout à fait. Il y a, donc sur ce point, il y a deux choses. Premièrement, tous les aspects qu'on a discutés en première partie de l'émission sur le fait que notre cerveau est en train de boucher des trous ou se baser sur ses a priori, mais qu'on ne sait pas forcément que c'est le cas. Déjà, ce point-là. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait des choses qu'on pense connaître, mais qu'en fait, on ne connaît pas. Ces deux choses combinées mènent à un problème fondamental qui est de ne pas connaître les limites de sa connaissance et de penser qu'on sait plus qu'on ne sait déjà sur nous-mêmes ou sur le fonctionnement du monde. Et je trouve que c'est un vrai problème, effectivement, parce que autant l'ignorance, même si elle est problématique, peut être réglée, parce que si on est ignorant, plus on apprend, plus on comble cette ignorance, plus l'illusion de connaissance, malheureusement, est problématique, parce qu'on n'a même pas l'impression qu'on a besoin d'accumuler plus d'informations pour mettre à jour nos croyances. Et d'ailleurs, il y a cette phrase attribué à Asimov, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit aussi, qui est que le plus grand danger, c'est pas l'ignorance, mais vraiment l'illusion de connaissance. Parce que c'est très difficile de faire le pas pour se dire « Ah oui, d'accord, il faut que j'apprenne plus et que j'évolue. » Autrement dit, ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir, tandis que savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir, puisque cela suppose de connaître tout ce qui est déjà établi. Albert Moukébert, dans votre livre, vous rappelez que nous sommes aujourd'hui abreuvés d'informations et que nous avons du mal à les gérer parce que dans notre histoire, nous n'avons pas été habitués à de tels flux. Et est-ce qu'on pourrait comparer du coup le statut de l'information et de son abondance récente avec celui du sucre? Pendant très longtemps, l'humanité a très peu connu le sucre et tout d'un coup, il est arrivé en abondance de façon industrielle et ça a déclenché notamment l'obésité. En fait, ça va paraître un peu contre-intuitif, mais le problème n'est pas juste la masse d'informations. On a toujours eu à gérer beaucoup de masse. Quand on était chasseur-cueilleur, on n'avait pas d'écriture, on devait retenir beaucoup, beaucoup d'informations. C'est la nature de l'information. On est bombardé par une quantité d'informations de sujets très, très, très variés et où souvent on nous demande d'avoir des opinions sur des sujets qui sont très, très souvent techniques. Si on arrête des personnes dans la rue, on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent des OGM, ils ont une opinion. Du réchauffement climatique, ils ont une opinion. De l'astrophysique, peut-être, ils ont une opinion. De la psychologie, ils ont une opinion. De la situation politique au Soudan, de la situation politique au Moyen-Orient. On est exposé à beaucoup, beaucoup de sujets divers, souvent sans prendre le temps de prendre le temps d'apprendre. Et parce que notre cerveau a cette tendance à vouloir faire des opinions, on va se retrouver avec beaucoup, beaucoup d'opinions sur des sujets assez technique, mais où on n'a aucune raison d'avoir une opinion. C'est pour ça qu'avec Mariam, on travaille aussi beaucoup sur réhabiliter l'incertitude. Se dire, sur ce sujet, j'ai pas eu le temps. Moi, je suis souvent surpris quand je regarde, par exemple, à la télé, les exercices du grand oral. On va poser à une personne des questions sur des sujets hyper variés, la politique intérieure, la politique extérieure, la sécurité, l'immigration, l'écologie, etc., etc. Et moi, dans ma tête, je me demande comment est-ce qu'il a eu le temps de devenir, d'avoir une connaissance sur tous ces sujets. C'est vraiment un problème temporel, genre, qui est non compressible. Il faut du temps pour apprendre. On fait pas une thèse parce qu'on a envie de prendre 10 ans ou 7 ans ou 8 ans de notre vie pour apprendre quelque chose. C'est le temps qu'il faut pour qu'on puisse maîtriser un sujet. Et aujourd'hui, on est exposé à plein de sujets. La blockchain, la bitcoin, le big data, les réseaux sociaux, les fake news, les vraies news, les sources d'informations. Et sur chaque sujet, si je défile comme ça des sujets, les auditeurs, chacun a un positionnement sur ces sujets. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Le bon exemple que vous citez dans le livre, c'est le Brexit. Les Anglais sont intéressés au Brexit après avoir voté pour. Après avoir voté pour. Le lendemain, c'est sur Google. Ils se sont demandés qu'est-ce que c'est que ce truc pour lequel on a voté. What is Brexit? What is the EU? Et c'est quoi l'Union Européenne? Le lendemain de l'élection. Parce que, encore une fois, si on croit qu'on sait, ben on ne cherche pas à savoir. Et donc, c'est quand les résultats sont tombés qu'on s'est dit, ben, en fait, peut-être que ce truc a un enjeu. Et ça ne veut pas dire que les Anglais sont crédule ou dupe, etc. On pense qu'on sait. Parce que on est habitué à avoir de l'information qui nous arrive sans incertitude. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'un et l'autre? Parce que vous avez un vocabulaire commun, vous avez fait des thèses l'un et l'autre dans la même discipline. Dans le même labo. L'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, donc c'est deux chercheurs, donc Dunning et Kruger, qui décrivent l'illusion de connaissance et ils racontent l'idée qu'ils ont eue à partir d'une anecdote assez hilarante au final, d'un monsieur qui est allé braquer une banque et après la police l'arrête pour faire court et il dit mais comment vous m'avez trouvé? Et on dit, bah, on a vu ton visage sur les caméras de vidéosurveillance. Pas dur. Et il dit, bah, non, je m'étais aspergé le visage avec du jus de citron, et le jus de citron supposait me rendre invisible. Et il était convaincu. Et donc, à partir de cette anecdote, Dunning et Kruger décident de monter un protocole expérimental pour comprendre comment ça marche. Et effectivement, il montre que dans certaines situations, les personnes qui ont moins de compétences surestiment énormément leurs compétences réelles, alors que des personnes qui ont des compétences peuvent sous-estimer parce qu'ils ont conscience de tout ce qu'ils ne savent pas. C'est pas par hasard que le discours des chercheurs, c'est souvent, on pense que, il semblerait que certains chercheurs font l'hypothèse que, et en face, il y a des personnes qui disent, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est juste que le chercheur, souvent, parce qu'il a passé beaucoup de temps, encore une fois, ce problème incompressible de prendre le temps d'apprendre, pour comprendre les nuances du sujet qu'il veut essayer de transmettre, parce que c'est ça qui rend le sujet intéressant, souvent. C'est cette incertitude. Quand Mariam parle de Kahneman et Giegerenzer et ses débats, c'est ça qui rend notre discipline intéressante, parce que c'est pas plié encore. Et on est souvent pas d'accord. D'ailleurs, moi et Mariam, mais quand on a créé Chiasmas, parce qu'on était souvent, on avait souvent des débats en interne sur ces sujets. Sur est-ce que les biais existent? Est-ce qu'on est rationnel ou pas? Est-ce qu'on est crédule ou pas? Etc. Et en face, on a des réponses. Il dit, c'est ça, les gens sont des moutons, etc. Ceux qui croient savoir, n'ont-ils pas des promotions ou des carrières professionnelles plus... Bien sûr, on voit l'émergence de ce qu'on appelle les toutologues. Glorieuses. Oui, les toutologues. Le principe de Peter aussi, il y a ça. Exactement, le principe de Peter qui dit que à chaque fois que quelqu'un, toutes les personnes, si on dans un système donné, si on laisse assez de temps, tous les postes vont être remplis par des personnes incompétentes. Ou bien Donald Trump qui se croit plus compétent en matière de changement climatique que toutes les académies des sciences de la planète. C'est vraiment, et c'est pas quelque chose, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est assez commun et on a tous des airs d'illusion de connaissance. C'est pas un truc qui est corrélé avec l'intelligence. Nos récits, notre compteur d'histoire est aussi intelligent que nous. Donc si moi j'ai un QI de 180, les récits que je m'invente pour mes illusions de connaissance vont être des récits d'un QI de 180. Mais c'est important de pas corréler ça à l'intelligence. Ça a rien à voir avec si une personne est intelligente ou pas, si elle est éduquée ou pas, si elle est d'un certain niveau social ou pas. C'est vraiment une question de temps, d'a priori, d'incertitude, de complexité, de comprendre les leviers qui sont en jeu. Et là aussi, c'est un récit auquel il faut faire attention, parce que souvent, quand on parle des biais cognitifs, on en parle comme si c'est les autres. On pense souvent que les autres sont plus crédules que nous, alors que ça dépend souvent du contexte. Je suis probablement aussi crédule qu'un platiste sur d'autres sujets. La différence, c'est combien est-ce que j'ai confiance en mes opinions. Et c'est ça qui nous sépare. Combien est-ce que je peux me permettre d'être incertain? Moi, souvent, quand je travaille beaucoup sur cette notion de doute de soi, un peu comme Bachelard, penser contre soi-même. Contre son cerveau. Contre son cerveau. Penser contre son cerveau, pardon. Et c'est cette notion de il faut pas tomber dans le relativisme. Il faut pas penser que tout se vaut. Il faut savoir comment séparer un doute d'un autre, un scepticisme d'un autre. Et c'est vraiment des sujets qui nous, en tout cas moi, m'animent énormément sur comment est-ce que on sait ce qu'on sait. Mariam Chabat. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné sur les personnes qui ont des carrières peut-être plus importantes, ils affichent plus de certitude. Et c'est intéressant ce point parce que pour avoir enseigné des cours dans différents types d'écoles, des écoles plus scientifiques ou des écoles d'administration publique, il y a quelque chose qui me frappe énormément. C'est à quel point, par exemple, dans certaines écoles d'administration publique, ça fait partie de l'enseignement de pousser les étudiants à très rapidement fabriquer des éléments de langage à propos de faits sur lesquels ils ont très très peu de connaissances. Donc par exemple, on va leur dire voilà, je vous donne 2-3 éléments sur l'environnement, sur l'économie, la justice, etc. Et vous allez devoir broder un texte ou en tout cas une posture qui montre que vous savez. Et c'est exactement l'inverse dans les écoles un peu plus axées scientifiques où vraiment le doute est vraiment beaucoup plus mis en avant. On est beaucoup plus, on va prendre beaucoup plus de pincettes quand on va afficher ses connaissances et un beaucoup plus grand degré d'incertitude. Et donc, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que ma carrière aujourd'hui est vraiment d'apporter les connaissances scientifiques et la science dans le milieu des politiques publiques. Et donc je suis heurtée à ces différences de valeurs un petit peu et de culture du monde scientifique et du monde des décideurs publics. Donc le monde des décideurs publics dans lequel on a un petit peu une posture beaucoup plus certaine, où on n'est pas forcément là pour transmettre son incertitude, son inquiétude, etc., mais beaucoup plus pour rassurer et pour afficher des connaissances beaucoup plus certaines, alors que mon background personnel, qui vient du monde scientifique, est un domaine dans lequel l'incertitude est beaucoup plus célébrée. C'est-à-dire qu'on est un scientifique plus respectable si on affiche de l'incertitude, du doute, et qu'on tempère et qu'on nuance nos propos. Et donc, c'est un challenge de pouvoir transmettre les connaissances scientifiques qui ont toutes un degré d'incertitude, évidemment relatif, parce qu'il y a des connaissances qui sont plus certaines que d'autres, mais en tant que scientifique, j'ai le rôle de transmettre les connaissances telles qu'elles sont, et donc avec leur degré d'incertitude qui vient avec, dans un monde dans lequel on me demande des certitudes, et on me demande qu'est-ce que la science dit que je dois faire, alors que moi, je considère que la science n'a pas à dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais elle a le devoir de décrire les choses telles qu'elles sont. Mais ce que vous dites là, c'est-à-dire tous les biais cognitifs qu'on a tendance à laisser de côté quand on fait de la transmission des connaissances, n'expliquent pas en fait l'échec relatif de la vulgarisation. C'est-à-dire quand il y a beaucoup d'efforts de vulgarisation qui sont faits en France notamment et un peu partout, et quand on mesure les effets produits en termes de connaissances effectives dans la culture commune, on voit que c'est pas terrible. Et est-ce que c'est parce qu'on s'y est mal pris? Est-ce que c'est parce qu'on a négligé les biais cognitifs? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez bien expliqué? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'ailleurs, sur ce mot de vulgarisation que Albert et moi, on n'aime pas du tout, on essaye de trouver un terme qui soit moins vulgaire, justement. Mais en tout cas, sur la vulgarisation scientifique, je trouve que c'est un exercice extrêmement compliqué. Et que ce soit Albert ou moi, ou nos collègues de Casma, qui sommes quelque part des vulgarisateurs de la science, déjà, on trouve cet exercice très complexe parce qu'on a... On a du mal à garder la complexité et les nuances de la science, mais en même temps rendre l'information simple à comprendre. Et donc, il y a une sorte d'erreur dans la traduction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traduit une pensée très complexe en une pensée un peu plus appréhendable, plus compréhensible. Donc déjà, un premier niveau, c'est à quel point on peut faire échapper des informations essentielles en les vulgarisant. Et de l'autre côté de la pièce, il y a les récepteurs de l'information, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'information. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'études sur la manière dont une information qui est simplifiée peut être encore plus simplifiée dans l'esprit d'une personne, comme on parlait tout à l'heure de l'illusion de connaissance, de faire des raccourcis mentaux très rapides qui vont nous amener à une conclusion très simpliste et qui écrase la complexité. Donc en fait, si on peut voir ça un petit peu comme un ciseau, et il y a une lame qui est comment est-ce que on préserve la complexité de l'information, comment est-ce qu'on construit une architecture de l'information qui soit compréhensible, et l'autre lame serait comment est-ce que le récepteur, avec tous ses filtres mentaux différents, peut réduire la complexité de l'information et peut-être conclure autre chose qu'on a espéré qu'il conclue, et ensuite l'interaction entre les deux, c'est-à-dire comment est-ce que la relation entre un expert et un non-expert agit, qui est le messager, à quel point est-ce que ce messager est pris comme une figure fiable, pas fiable, d'autorité, etc. Vous avez parlé de ciseaux et malheureusement c'est le signe que je dois vous couper parce que cette émission est arrivée à son terme. Elle aurait pu durer encore 3 heures, j'ai beaucoup de questions à vous poser, notamment... Pour vous, Albert Moukébert, sur l'effet Franklin, oui. Qui consiste pas en simplement le fait que Klein soit franc. Non. Mais je vous remercie tous les deux, Mariam Chamat et Albert Moukébert, de nous avoir appris à penser avec notre cerveau, contre notre cerveau. Je recommande la lecture de votre livre, Albert Moukébert. Il s'intitule, je le rappelle, « Votre cerveau vous joue des tours » et il est paru chez Alary Éditions. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Amandine Grevoz et à la réalisation David Travailleur. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains. Thank you.